Daft Punk, le nouvel album. Daft Punk, le nouvel album, c'est un live. Live enregistré à Bercy le 14 juin dernier. Bonsoir Thomas Bangalter. Bonsoir. Bonsoir Guy des Homem Christo. Bonsoir. Vous allez bien? Merci beaucoup d'être avec nous en direct jusqu'à minuit pour passer ce petit bout de soirée ensemble. C'est énorme ce qui s'est passé ce soir-là. Vous allez me dire que c'était comme ça sur toute la tournée peut-être, mais est-ce que vous vous attendiez à un accueil pareil de la part du public parisien à Bercy? Ça vous a surpris ou non? Ça nous a surpris parce qu'en général on n'est jamais trop prophète en son pays et que vous aviez un peu plus la pression. Ouais, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué ici et puis comme on vient d'ici, on était un peu stressé plus que d'habitude avant le concert. Et on a été hyper surpris, hyper par hyper cette liesse, par cette communion avec le public. Ouais. Et puis la communion du public, enfin des gens entre eux aussi. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment. Moi je vous le confirme, il s'est passé quelque chose d'absolument amusé, incroyable. Pourtant ce show vous l'avez dans les pattes depuis un moment, hein, parce que cette tournée elle a commencé quoi, il y a plus d'un an, elle est pas finie. Vous repartez au Japon début décembre, ensuite c'est l'Australie et vous rentrez chez vous pour Noël. Un bon accueil partout dans le monde? Un très bon accueil, oui. On a été très très agréablement surpris de cet accueil un peu unanime comme ça tout autour du monde. Dans des endroits très différents et avec des gens et des cultures très différentes. Donc je pense que c'est cet accueil qui a fait que des concerts ont été rajoutés et que ce qui devait au départ être une poignée de spectacles s'est transformé en une tournée qui a duré plus d'un an et demi. Il y a eu que deux dates en France. Bercy et les Arènes de Nîmes, c'est ça? Et Belfort. Les Hurricanes de Belfort l'année d'avant, oui. Avec un spectacle qui avait un peu évolué. Mais voilà, il y en a eu trois, ce qui est une bonne moyenne. Et pourquoi avoir choisi Bercy pour ce live en CD, pour faire plaisir au public parisien? Ça vous semblait logique finalement? Vous avez décidé ça après ce concert ou Le disque sort partout dans le monde, hein, donc c'est pas juste, il est pas destiné forcément à faire plaisir le public parisien, mais c'est vrai que au moment où on a réécouté un peu tous les enregistrements, parce qu'on a enregistré tous les spectacles au niveau du son et du spectacle et du concert, c'était l'enregistrement de Bercy qu'on a préféré. Donc, parce qu'il pourrait y avoir des petits bouts de chaque spectacle à travers le monde, comme c'est souvent le cas sur les albums live, non? Oui, mais là, je pense on a privilégié l'idée de retranscrire comme ça un moment et un soir. Donc ça nous est pas venu à l'idée de faire un montage. Le son a-t-il été retravaillé sur les albums live? Souvent les artistes se remettent en studio, rajoutent, je sais pas, peut-être un peu des applaudissements ou des effets sonores qui n'ont pas existé. C'est du brut de brut. C'est un peu technique, mais c'est un mélange entre le son qui sort de la table de mixage et des micros qui étaient dans la salle aussi. Donc c'est extrêmement basique et rudimentaire, mais à la fois voilà cette volonté de capturer ce moment finalement d'une façon assez traditionnelle pour un format qui ne l'est pas, à savoir le concert de musique électronique qui est en disque. C'est pas vraiment quelque chose de commun, mais c'est vrai qu'on l'a fait un peu dans la lignée d'albums de concerts de rock ou de voilà, un peu d'une manière assez classique finalement. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas remonté sur scène depuis 10 ans? Pourquoi avoir attendu 10 ans pour refaire de la scène? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène? Dans notre processus créatif, la plupart du temps, on se pose une question, et la question c'est la suivante, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas déjà fait, ou qu'est-ce qu'on peut faire qu'on pouvait pas faire ou qu'est-ce qu'on peut refaire qu'on pouvait pas faire il y a 5 ans ou 10 ans de la même façon. Et donc, on a vraiment eu l'impression, avec comme ça la technologie et aussi finalement les morceaux qu'on avait pu faire pendant ces 10 ans, et qu'on avait un vraiment un contexte différent qui nous permettait de revenir sur la scène et vraiment d'aborder le spectacle d'une façon totalement différente de ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Ça veut dire que vous aviez des ambitions que vous ne pouviez pas concrétiser en live jusqu'à aujourd'hui et que les progrès technologiques font que aujourd'hui les rêves que vous imaginiez étaient possibles. Je sais pas, c'est pas vraiment en termes d'ambition, c'est plus de effectivement avoir des priorités et se concentrer sur la musique en studio, sur la production de dessins animés, de plein de choses qu'on a pu faire pendant 10 ans, et à un moment effectivement se rendre compte que la différence est telle ou assez grande entre 1997 et 2007 pour recommencer, donc et pour faire quelque chose de différent en combinant la vidéo et la lumière et la musique, la mémoire des processeurs des ordinateurs aujourd'hui ont été démultipliés et double ou triple tous les 6 mois, et c'est vrai que ça permet effectivement, nous on est artistes issus comme ça de la génération de musique électronique et ça permet d'apprivoiser la technologie et puis de l'observer, de voir comment elle évolue et de se dire tiens, avec ces nouvelles machines, voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais ce qui est un peu le propre de n'importe quel artiste qui utilise les outils de son temps aussi. Voilà. C'est passionnant parce que avec vous, on va peut-être pouvoir se projeter jusqu'en 2017 ou en 2027, pourquoi pas? Pourquoi pas. En tout cas, on a le temps, on passe cette soirée ensemble. J'aimerais bien qu'on revienne sur tout votre parcours et sur ces 10 années qui viennent de s'écouler. On va reparler de ce live qui est assez phénoménal, donc qui est dans les bacs depuis le 19 novembre. Et on va beaucoup parler aussi de votre film Electroma qui sort en DVD le 5 décembre. Daft Punk est avec nous. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Internet, franceinter.com, puis émission alternative. iCube, remixé par Daft Punk, c'est la sortie numéro 2 du label Versatile de iCube et Gilbert. C'était en juillet 96, je crois, et c'est une phase B. Est-ce que ça vous rappelle des bons souvenirs? On remonte loin, là, hein? Thomas, Guimane. Oui, on était plongé dans l'écoute de ce remix. Il y a longtemps que vous ne l'avez pas écouté, j'imagine. Depuis au moins 8 ans. Depuis sa sortie. Ouais. Ça vous fait quel effet? C'est les souvenirs qui reviennent. C'est est-ce que vous jugez musicalement pour le coup? Comment est-ce que vous prenez l'écoute de ce morceau? J'essaye de me souvenir comment il a été fait, c'est tout. Mais Guimane, des souvenirs plus précis? Moi, je l'avais pas écouté pareil depuis qu'on l'avait fait, mais il sonne pareil. Ma mémoire n'a pas flanché là-dessus, quoi. Mais non, c'est un remix. C'est une époque où on faisait beaucoup de remix. Donc là, il est vraiment jazzy, mais je me souviens qu'on le trouvait pas mal. Et puis bon, c'est peut-être que c'est un peu trop jazzy maintenant pour. À mon goût, mais c'est joli, il y a une belle ambiance quand même. Ouais. Moi, je trouve que ça a pas vieilli. Disons, moi, j'ai tendance à écouter la musique électronique et la musique en général dans son contexte et dans sa chronologie. Donc, c'est vrai qu'on est tellement dans un contexte musical différent avec le regard et l'écoute qu'on peut avoir de cette musique qui est différente, que c'est vrai, replacé dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on est relativement content de ce remix. Ouais. 1996, c'est aussi la date de sortie de votre premier album, oui. Homework. Tout de suite, c'est un phénomène. Je crois qu'il va s'en vendre 2 millions d'exemplaires à travers le monde. 400 000 tout simplement en France. Vous avez été surpris de ce succès. Est-ce que vous vous rappelez de cette période? Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous décidez de vous masquer? Thomas. Je pense qu'on a été surpris du succès du disque. Et bien évidemment, on continue à l'être. Ça a été incroyable quand même ce qui s'est passé. Je pense que... Oui, mais bon, le fait de enfin, moi j'estime que ça a été incroyable. C'est aussi incroyable issu dans cette musique et où les modes changent très vite. D'avoir pu faire ce qu'on fait depuis ça va faire 15 ans, comme le premier disque d'Afro qu'on a enregistré en 93. Je trouve ça tout aussi incroyable sur un autre point de vue. Donc, par rapport à une sorte de la question de la longévité comme ça maintenant. Je pense que on a été très surpris à l'époque de de rencontrer ce que le disque comme ça rencontre le succès. C'était quelque chose de relativement nouveau, ou en tout cas présenté de façon nouvelle avec ce disque qui sortait sur une maison de disques qui était Virgin et qu'on pouvait retrouver un peu dans la grande distribution, et une musique qui à la base à ce moment-là était encore quelques mois avant dans les clubs et dans les magasins spécialisés. Et là, tout d'un coup, tout le monde vous a approché, quoi. La profession, on vous a fait, il y a eu un engouement absolument incroyable. La profession est venue vers vous, on vous a proposé des choses incroyables. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé de ce succès? Et je reviens avec ma question sur. On a décidé de se masquer. On a décidé de se masquer avant, donc c'était pas. On a fait à l'occasion de la signature avec une maison de disques. C'était pas pour vous protéger du succès. C'était aussi pour nous. Je sais pas, à partir du moment où on l'a fait avant que le disque, il y ait une copie du disque qui soit vendue, donc c'était peut-être prémonitoire par rapport à un succès qu'il y a eu ensuite, mais je pense que c'était pour nous protéger d'un certain système, et puis à la fois pour essayer d'apporter une alternative à la façon de se présenter quand on est artiste. Je sais pas de quoi on se protégeait vraiment, mais c'est vrai que au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus une démarche artistique, et on a remplacé au fur et à mesure ce qu'on cachait par tout un univers esthétique et plein d'images et plein de choses, jusqu'à utiliser ces personnages de robots par la suite, 4 ou 5 ans après. Guiman, vous vous souvenez de cette période, de ce premier album? Je me souviens bien, oui. C'était bien, c'était le début de... Thomas était à la fac, moi j'étais graphiste, et puis du jour au lendemain, on s'est dit... on a été un peu obligés en même temps de partir sur la route, de promouvoir l'album, de faire des lives, de faire DJ, de tourner à travers le monde. Donc tout a vraiment été chamboulé à partir de là, et depuis on est resté un peu dans le même mode de vie. Et donc c'était il y a en même temps longtemps, mais c'est comme si c'était hier, et on est resté dans le trip depuis cette époque. Cheap Reconnection de Parliament Funkadelic, remixé par Daft Punk, et ça c'est du Soma 1998. Il y a plein de questions sur internet pour vous les Daft Punk, et des questions très très précises. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas le short circuit, ce titre, dans votre live? C'est un très beau morceau, ajoute Karine sur internet, vraiment très beau. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez jamais? Ah ben, parce qu'on parle pas trop de ce qu'on fait. Vous ne le jouez pas en live? On joue des petits bouts, mais c'est vrai que le concert, c'est vraiment une réinterprétation et un mélange de plein de parties et plein de morceaux qu'on a fait, et c'est vrai qu'on n'a pas pris la peine Il y a un petit bout de short circuit qui est dans le live quand même. Il y a un petit bout. Il faudra qu'elle réécoute bien. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a plein d'autres morceaux qu'on n'a pas pu mettre. Donc quand il a fallu qu'on mette tout à plat et qu'on choisisse tout ce qu'on pouvait mixer ensemble, tous les morceaux ou les bouts de morceaux avec lesquels on pouvait jouer pour faire ce live, on a été obligé d'en laisser plein de côté. Donc c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, parce qu'elle vous a vu trois fois en live à Las Vegas et ailleurs, et elle se rend compte qu'effectivement musicalement le show évolue avec des petits sons qui interviennent de plus en plus, et elle se demande pourquoi vous n'avez pas attendu la fin de la tournée pour sortir Live 2007. Ça, faut demander à la maison de disques. Bonne question. C'est vrai, il faut demander à la maison de disques. Peut-être. Sinon, vous auriez attendu. Elle veut savoir qui a fait la musique du défilé de mode Louis Vuitton, qui est vraiment un mix extraordinaire d'après elle. C'est nous qui l'avons fait, mais on a mixé la musique, donc il y a un mélange de morceaux à nous, des morceaux de Ratatat, des morceaux de... Le remix de Sébastien, de Sébastien Tellier. Voilà, un petit bout du morceau de Kanye West aussi. C'est un mix qu'on a fait, oui, pour le défilé Louis Vuitton, là, qui il y avait 5-6 semaines. Vous travaillez beaucoup avec les gens de la mode? Non. C'était assez exceptionnel. Oui. on essaye de faire des choses de pas rentrer dans des routines comme ça, mais ça c'est Marc Jacobs qui nous a demandé et il était venu, il était justement au concert à Bercy et ça lui a beaucoup plu et donc c'était effectivement intéressant de se mettre comme ça au service d'une collection comme ça. Même pour Eddie Slimane. Eddie Slimane, on a collaboré avec lui de façon différente. En fait, c'est plus lui qui s'est mis à notre service que le contraire. Mais effectivement, on a eu l'occasion de travailler, de collaborer ou de rencontrer juste des fois des gens dont on aime le travail. Et c'est toujours excitant et intéressant de combiner comme ça les processus créatifs. Si on vient vers vous pour vous demander ce genre de travail, vous accepterez, ça dépend, vous réfléchirez, ça vous intéresse ou non ou bon. On est toujours très ouvert. Est-ce que vous êtes submergé de travail et de demandes? Non. Enfin, tout prend du temps et on peut pas dire qu'on est vraiment submergé. Ça dépend des périodes, mais effectivement, quand on est en répétition pour le spectacle. Avec le décor et toute l'équipe technique et comme ça tout qui est en place, effectivement des fois on fait des très très longues journées, mais sinon en règle générale on essaye de rester maître de notre existence et à la base on essaie de concilier la vie et le travail du mieux qu'on peut. Ouais. Mm-hmm. C'est un peu difficile parce qu'on est d'une certaine façon comme tous les artistes, hein, mais on est jamais vraiment en vacances et on est jamais vraiment dans le travail à proprement parler, mais c'est ça qui est difficile. Mais dans votre tête, vous êtes toujours au travail et toujours en période de création, j'imagine. Vous êtes rarement au repos. On essaye de prendre plus ou moins. Mm-hmm. Plus ou moins. J'aimerais qu'on y revienne à ce live. Une question aussi sur Internet de Samuel qui dit: quel est votre rôle précis à tous les deux dans la pyramide? Alors pour ceux qui n'ont pas vu votre spectacle, c'est une immense, immense pyramide. Vous êtes tous les deux au sommet. Il y a des jeux de lumière et d'images absolument fabuleux. Et j'ai envie de vous demander comment ça s'est mis en place? Qui a eu l'idée de cette pyramide? Est-ce que au départ, quand vous avez démarré la tournée, vous avez été confronté à des gros, gros problèmes de rodage? Vous disiez il y a un instant que c'est pas évident de mettre ce genre de structure en place. Vous pouvez nous raconter tout ça? Qu'est-ce que vous faites chacun en haut de la pyramide? C'est la question, je vous la livre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous partagez le travail? On a des contrôleurs, des télécommandes et aussi des synthétiseurs, mais une grande partie, en fait, sont des télécommandes qui contrôlent les ordinateurs et les machines qui sont sur le côté de la scène, principalement parce qu'il n'y a pas trop de place dans la pyramide qui est justement remplie de LED et d'écrans vidéo et de lumière. Et à l'aide de ces instruments, en fait, on est un peu les opérateurs où on se répartit du travail sur les différents éléments à mélanger, les boucles à prendre, les synthés, les rythmiques et voilà. Et donc dans ce sens-là, un peu en ayant un peu une partition et une démarche pour arriver au même résultat tous les soirs, on est un peu comme dans le Magicien d'Oz, les opérateurs dans la petite cabine qui essaye d'apprivoiser cette technologie, où c'est vraiment un dialogue entre la technologie et nous de cette façon-là, parce que c'est de la musique électronique et même par rapport à un concert, il y a le paradoxe de cette musique qui est faite par des machines ou avec des machines et où on essaye de d'avoir notre place et d'être les opérateurs de ce système. Est-ce que ça laisse une part à l'improvisation? Ça peut en laisser une, ça en a laissé des fois plus. Vous pouvez vous le permettre? Dans les concerts qu'on faisait il y a 10 ans, là c'était pas vraiment le fond, le concept de ce spectacle, qui était vraiment l'idée de combiner un certain nombre de différentes technologies et de musique et d'éléments pour arriver à faire quelque chose de relativement précis et relativement constant d'un soir à l'autre. Donc là on était plus proche d'un je sais pas on, ou d'un spectacle de Broadway ou d'un show de Las Vegas, une comédie musicale comme ça, où on essaye, malgré une performance différente d'un soir à l'autre, de faire la même chose d'une certaine façon. Donc c'était mais après finalement il y a de l'improvisation, mais d'une certaine façon l'improvisation avec les machines électroniques, c'est relativement facile à partir du moment où on peut insérer des algorithmes qui génèrent l'improvisation elle-même. C'est comme l'improvisation en mathématiques, ouais. Des suites de nombres de manière aléatoire, et dans ce sens-là c'est vrai que c'est finalement plus difficile d'arriver à un résultat similaire tous les soirs, ouais. Que le contraire avec les machines souvent. Ça peut tomber en panne une machine, comme on peut casser une corde de guitare. Ça peut tomber en panne plus facilement qu'une corde de guitare. Quand on casse une corde de guitare, vous prenez des gamelles, il y a des pains des fois. Il y en a eu, mais ouais. On a essayé de construire un système relativement fiable. Je dirais que c'est il y a que des machines dans un avion aussi, et les avions heureusement sont pas faits pour tomber, même si c'est que des machines. Donc c'est vrai que ça nécessite, quand on fait un concert comme ça avec ces ordinateurs et ces machines et toute cette technologie, et toute l'équipe aussi, mais toute cette technologie devant 15 000, 20 000 ou 30 000 personnes, ça nécessite d'avoir un peu réfléchi à l'avance qu'est-ce qui se passe si il y a des machines qui fonctionnent plus pendant. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Il y en a d'autres. Il y a d'autres machines qui prennent leur lait. Belle Paris by Night, une musique signée Thomas Bangalter qui paraissait sur Roulez Musique en 2002, extrait de la bande originale du film Irréversible de Gaspard Noé. Film controversé s'il en est, qui était sorti sur les écrans en 2002. On peut parler de votre rapprochement peut-être avec le cinéma. Ça semble presque logique quand on vous connaît un petit peu. C'est vrai que vous avez toujours été très proche du travail avec l'image, non ? Oui. On reparlera de toute façon de Electroma tout à l'heure, mais comment s'est passée cette collaboration sur Irréversible, et est-ce que c'est facile de faire des musiques de films finalement ? On s'inspire de l'image ? Je ne sais pas si c'est facile ou pas, je ne pense pas, mais à la fois c'est vrai que... Il y a eu affinité peut-être avec le réalisateur avant tout. Oui, oui. Moi, j'ai rencontré Gaspard Noé un peu avant le tournage de son film, et j'avais été très impressionné par son film précédent, Seul contre tous. Et c'est vrai que au départ, il m'avait demandé juste d'utiliser certains morceaux un peu plus club comme ça, que j'avais fait sur mon label pour des scènes de fête, et il voulait vraiment avoir l'autorisation avant pour filmer en son direct et pas avoir comme ça, comme on peut avoir des fois dans les films, les gens qui dansent sur du silence et la musique est rajoutée après. Je pense que le film à la base était vraiment un film fait de façon expérimentale, avec une douzaine de plans séquences de 10 ou 11 minutes chaque, et voilà, il y avait une démarche que je trouvais intéressante, donc je le dis avec plaisir. Et après, un peu plus tard, il m'a présenté un premier montage du film sans musique, et il m'a demandé si ça m'intéressait de faire la musique du film. Donc j'ai vu le film, j'étais tout seul dans une salle de projection. J'ai imaginé que ça sortirait jamais au cinéma, donc j'ai dit allons-y avec plaisir. Et puis voilà, et puis c'est vrai que le film est sorti, donc c'était une bonne expérience. Il y aura d'autres rapprochements comme ça avec le cinéma à l'avenir, très certainement, non ? Espérons-le. Après, je pense que c'est une question aussi d'affinité, et puis de vraiment se mettre au service d'un film et d'un réalisateur, et je pense qu'on est intéressé, on sera intéressé de le faire avec des gens qui ont une vision très personnelle et vraiment une forte personnalité. Et c'est avant tout moi ce que j'apprécie énormément chez Gaspard Noé. On peut être sensible ou pas à son travail, mais il a un regard et une vision d'artiste qui lui est vraiment propre, et ça manque des fois un peu dans le cinéma, je pense. aujourd'hui. Cette musique de film qui sort sur votre label, Thomas Bangalter, Roulé Musique. Guyman, vous avez créé Cri d'amour, on reparlera de tout ça dans la deuxième heure de ces alternatives en votre compagnie toujours. Alternative en direct jusqu'à minuit avec Daft Punk, Thomas Bangalter et Guyman, et ce nouvel extrait de A Live 2007, 10 ans après A Live 97. Je crois que c'était un live qui était enregistré à Birmingham à l'époque. Oui, exactement. Album qui est dans les bacs donc depuis le 19 novembre. On pourra parler aussi d'Electroma DVD qui sera lui dans le commerce le 5 décembre. Plein de questions sur internet. Alors en vrac, je sais pas moi, pourquoi 2 concerts en France, 3 pardon, on le disait tout à l'heure, sur cette tournée alors que vous faites beaucoup plus de dates aux États-Unis, en Australie ou au Japon, c'est pas juste? C'est en fonction de la superficie des endroits. On a une formule où on divise le nombre de kilomètres carrés par le nombre d'habitants. Non. Et on multiplie par le nombre d'heures de vol et on a le nombre de concerts. Non, c'est faux. Non, c'est faux, bien sûr. Non, pourquoi? Ça, c'est une histoire de... Comment elle s'est construite, cette tournée? Elle s'est construite de façon totalement empirique et un peu boule de neige où effectivement on a fait un concert à Coachella aux États-Unis fin avril 2006 et le spectacle a été fait un peu pour une performance unique ou qui allait avoir lieu 2 ou 3 fois et vous étiez prêt à faire un show qui ne devait exister que 2 ou 3 fois point. Je pense qu'au départ, on a abordé le spectacle comme ça. Après, on fait les choses de façon un peu inconsciente des fois, et effectivement, on s'est retrouvé un peu à travailler pendant des mois pour ce spectacle. Et en même temps, on a reçu un tel accueil ce soir-là que on a vraiment senti que on contrôle pas du tout en fait ce qu'on fait et que ce soit les disques ou un spectacle comme ça et dans le sens où le public se l'est approprié et il y a une vraie légitimité de se dire tiens ben on a vraiment une opportunité comme ça d'aller à la rencontre des gens qui nous écoutent et qui nous suivent ou qui nous redécouvrent ou qui nous découvrent ou qui nous et d'avoir finalement un lien qui devient beaucoup plus concret que l'abstraction comme ça de cette relation entre notre public et nous et qui s'était développée de par notre anonymat et la façon dont on travaille. Donc on a pensé que c'était quelque chose de positif et une vraie opportunité de comme ça de générer ces rencontres. On aura fait un petit peu moins de 50 spectacles finalement en un an et demi. Bah oui, j'allais vous dire pourquoi arrêter le 22 décembre dans ce cas-là et pourquoi ne pas continuer parce que il y aura toujours un public demandeur. Je pense qu'on arrête parce qu'on a fait le tour un peu en fait et qu'on a quand a est-ce essayé... que vous allez rejouer en France demande une personne sur internet et pourquoi pas sous la Tour Eiffel, ce serait drôlement bien. Il y a plein d'endroits qui seraient bien. Non, il y a pas du tout de plan de comment dire de plan de rejouer. Au contraire, je pense moi je me suis toujours dit, même quand j'étais jeune, j'aimais toujours mieux partir des fêtes quand la fête bat son plein plutôt que d'attendre la fin de la soirée. Et c'est vrai que là on avait quand même la volonté, c'est pour ça que même au départ ça devait être que l'année dernière, ensuite on a continué toute cette année parce que on avait vraiment envie d'essayer de faire le au maximum le tour de tous les pays et malgré la logistique complexe pour un spectacle comme ça, on a 13 ou 14 tonnes d'équipement, il y a une grosse équipe et c'est relativement compliqué. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de jouer un peu sur tous les continents, pratiquement dans une grande partie des pays où on voulait aller et on estime être qu'on est à un moment où on va pas regretter d'arrêter de se dire tiens, on n'est pas allé jouer là, on n'a pas joué à Paris, on n'est pas allé jouer à Berlin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après cette tournée? On va retourner on va pas vraiment faire de pause, je pense qu'on va un peu travailler des idées qu'on a dans la tête et tout ce qu'on a accumulé depuis comme idée de projet et puis retourner dans notre dans notre laboratoire. À quand un prochain album, demande cette personne sur Internet. En 2001, quand Discovery est sorti, vous aviez déjà annoncé la sortie du prochain album, Human After All, donc 4 ans avant sa sortie. Est-ce que là, vous pourriez nous annoncer ce qui va se passer dans les 4 ans, ou en tout cas, quand sortira un prochain album? Je pense qu'on a... On ne sait jamais. Vraiment, maintenant, on a l'impression qu'on a très envie de rentrer un peu, rentrer en immersion comme ça dans la création et dans comme ça la recherche un peu, et de prendre le temps de... Ça se passe comment dans ce cas-là? Vous vous isolez? Vous restez entre vous? Mais effectivement, on sort d'une relation comme ça entre le public et nous, et on fait abstraction de tout ça. Je pense que c'est plus facile de le faire pour nous parce que on est totalement anonyme et on a une vie relativement normale de cette façon-là, parce qu'on n'a pas tous les jours le reflet ou des preuves de quelque popularité que ce soit de ce qu'on ferait. Et donc ça nous permet vraiment de faire abstraction de tout ça, de d'une certaine façon de repartir à zéro à chaque fois, et puis de voir, de chercher, s'il y a des choses qui sont intéressantes à faire et à partager. Et quand il y en a pas, ça met plus de temps, et c'est un processus qui peut mettre plus ou moins de temps, mais on n'a pas un objectif ou une volonté de résultat. On l'a jamais eu. C'est peut-être pour ça qu'on a été relativement on a sorti relativement peu de choses sur 15 ans par rapport à des 3 albums studio, mais vous n'avez pas quand même une idée d'une couleur ou d'une direction vers laquelle vous pensez que vous allez aller? C'est vrai que le dernier album studio était peut-être un peu plus dur que les deux autres. Là, forcément, la tournée vous a amené... On a toujours des petites idées maintenant. Tant que l'idée n'est pas arrêtée, que les choses ne sont pas faites, on a tendance à pas s'étaler dessus, parce que les choses peuvent toujours changer, et c'est un processus. Elles changent toujours. Guimane. Les choses sont, même si on avait des idées, ça sera, ou le résultat sera ne jamais. Ne ressemblera pas. Ouais, pas du tout. Mais donc la tournée, donc le succès de la tournée qu'on va finir nous a vraiment donné beaucoup d'énergie et beaucoup de, ouais. C'est aller vraiment à la pêche pour se relancer dans le processus créatif, ça c'est sûr. Oui, voilà, on voit tout ça comme des encouragements, et c'est la même chose que les influences qu'on peut avoir quand on voit d'autres artistes. C'est vraiment la démarche et l'énergie et en termes d'impulsion qu'on voit les choses, beaucoup plus que en termes de d'influence strictement musicale ou d'idées vraiment extrêmement précises. Donc on le prend vraiment comme ça. Le gros son de la nouvelle génération, il y avait d'abord Daft Punk avec Prime Time of Your Life, remixé par Parawan, et à l'instant Sébastien Tellier, ça c'est tout chaud, Sexual Sportswear, remixé par Sébastien, ça paraît sur Record Makers, et ce nouvel album de Sébastien Tellier sera dans les bacs en février 2008, produit par Guimane des Omen Cristo. Ça consiste en quoi ce travail avec Sébastien Tellier? Vous le connaissiez, ce remix de Sébastien? Ouais. C'est vrai qu'il est très récent. J'ai produit l'album de Sébastien, qui m'a demandé il y a à peu près un an maintenant de travailler sur son nouvel album. Donc voilà, je me suis occupé de ça. Comment ça se passe, et qu'attend-il de vous? Avec plaisir. Ouais. Et très spontanément, je lui ai répondu directement oui, parce que j'adore, je pense que Thomas aussi, on aime beaucoup ce qu'il fait depuis... Ça a l'air réciproque en tout cas, il vous aime beaucoup aussi. Ouais. Mm-hmm. Et donc ça s'est fait très, très spontanément, parce qu'on aime ce qu'il fait depuis longtemps, et plus il avance, et plus les morceaux sont bien. Donc là, je sais pas, donc là je suis trop impliqué dans son nouvel album pour trouver ça. Bien, mais comment s'est passé, comment ça se passe quand on est producteur sur un album comme ça? Qu'est-ce que vous lui apportez? Comment est-ce que vous travaillez? Il a des formules assez étonnantes, Sébastien Tellier, dans la presse. L'album se veut comme une analyse de la sexualité, ça déjà, c'est quelque chose auquel il tient. Il avait besoin de votre sensualité, et puis il dit, mais ça c'est du grand Tellier, avant je voulais donner une dimension politique à mes chansons, maintenant je me rends compte que seul le cul m'intéresse. C'est de la provo C'est plus que de la provocation, c'est du Tellier. Donc il a un personnage comme ça un peu, qui est peut-être pas tout à fait le même dans la vie de tous les jours qu'en interview. Mais disons qu'il était beaucoup plus sérieux en studio et qu'il était... Non, ça s'est fait très naturellement et sans... Donc c'est un album qui s'est fait très naturellement et très facilement peut-être. Même si on a beaucoup travaillé, ça a été très fluide. Vous pensez lui avoir amené quoi ? Bah, peut-être qu'il a un côté, il est hyper bon compositeur, mais il avait peut-être un son qui était un peu plus rétro, un peu plus 60s. C'est un gros fan de Gainsbourg et de musique comme ça un peu rétro. Il avait ce côté un peu peut-être un peu raide, un peu plus penché vers le passé et il voulait un côté peut-être un peu plus funky, un peu plus moderne. Sans que ça soit comme ce qu'on vient d'écouter, quelque chose de plus saturé ou de plus bah là de c'était plus du Sébastien, ouais, donc ouais, mais il voulait, je pense qu'on arrivait à la limite de quelque chose qui soit d'aujourd'hui sans être trop expérimental pour son style, parce qu'il a vraiment un style particulier, un personnage comme ça qui est le sien. J'ai essayé de rester dans les limites de sa personnalité qui est très spéciale. Il y aura des slow qui tuent dans cet album ? Qui tuent, je sais pas, mais il y a des espèces de slow et de petites balades comme ça. Un mot sur Sébastien, c'est le son d'aujourd'hui, c'est la new French touch, on pourrait dire, pour résumer les choses. Pour vous, c'est un des producteurs français les plus intéressants du moment, les plus forts. Ouais, lui particulièrement. Enfin, je pense qu'il a vraiment un style. Et dès les premiers morceaux qu'on a pu écouter avec Thomas, quand on a découvert ce qu'il faisait, il avait déjà un niveau de production qui était déjà bien avancé par rapport à plein de choses qui peuvent être bien aussi, mais il a un niveau de l'expérimentation et du comme en anglais on dit les skills du niveau de prod, il est vraiment fort. Mais apparemment il avait commencé quand il avait 14-15 ans déjà, donc il connaît bien son matériel. C'est important, ça. Sébastien, qui est sur Headbanger, est-ce qu'on pourrait rapprocher son son de celui de Justice un petit peu, cette espèce de son très syncopé, très saturé, ouais, ou très, celui de Justice, le rapprocher du sien aussi. Plutôt. non, mais je pense qu'ils sont tous potes et tout, ouais, donc c'est normal, c'est comme nous, les amis qu'on a, ou à l'époque où vraiment il y a eu tout ce que la presse appelait la French Touch, donc ouais. Tous les gens qui étaient autour de nous, tout le monde s'influence mutuellement. Vous avez passé la trentaine, est-ce que vous avez des conseils de carrière à donner à cette nouvelle génération qui a passé à peine la vingtaine pour durer, pour produire et garder la tête froide ? C'est difficile de donner des conseils, je pense que faut faire les erreurs soi-même pour... Mais Justice, vous les avez rencontrés, je pense par exemple à cette interview croisée là dans le magazine Tsugi. Vous les conseillez ou non ? Non. Je pense ils se débrouillent, ils sont grands. S'ils nous demandent des conseils, on pourrait essayer de leur en donner, même si on n'est pas sûr que ce soit les bons. Mais pour l'instant, ils sont grands et puis ils avancent. On n'a aucune leçon à donner. C'est plus dans ce sens-là hein, qu'on les connaît depuis plus longtemps que cette interview, bien sûr. Mais non, je pense que c'est amusant. En plus, eux, ils vivent quelque chose qui est plus une. Ils sont finalement beaucoup plus exposés personnellement, médiatiquement que nous. Donc c'est une expérience qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre, donc c'est... La différence, elle est là, oui. Justice et Sébastien qui sont sur le label de Pedro Winter, Headbanger. Pedro Winter, votre manager depuis le milieu des années 90. Sur internet, cette question, quelle est la nature de votre lien avec Pedro Winter ? Il est toujours votre manager, vous le voyez souvent. Comment ça se passe avec lui ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Comment est née cette histoire d'amour en 94 ou en 95 avec lui ? Disons que principalement son rôle a évolué au fil des années, mais nous à la base on est relativement discret et effectivement bon, on l'est peut-être de moins en moins, mais on est presque effacé, timide. Ouais. Voilà, et Pedro c'est tout le contraire et c'est le contraire, et donc il a réussi à à être en tout cas l'interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur, comme ça, ouais. Et à faire le lien entre les deux d'une façon exemplaire. Et c'est principalement ça, plus que le rôle d'un manager qui dirigerait la carrière d'une façon ou d'une autre. C'était pas du tout le type de relation qu'on a, plus que voilà d'essayer de faire communiquer l'intérieur, l'extérieur. Voilà. Après, effectivement, on l'a rencontré, on avait 20, enfin, il a le même âge que nous, hein, mais on avait tous 20 ans ou 21 ans et. Coup de foudre? Non, je sais pas, c'est un coup de foudre, puisque, faut replacer les choses dans leur contexte. Il avait aucune expérience dans la musique, mais bon, il faisait des soirées super et il en voulait. Il avait de l'énergie, de l'ambition et vraiment, c'était un bosseur. Et je pense qu'on s'est vraiment entendu parce que il était très motivé, très enthousiaste et on est très content d'avoir un peu fait ce bout de chemin jusqu'à maintenant ensemble. Vous êtes toujours aussi proche aujourd'hui? Peut-être pas géographiquement, je crois qu'il joue à Berlin ce soir avec Justice. Voilà, effectivement, les nouvelles technologies ont fait qu'on est relativement proche, mais pas vraiment géographiquement, parce qu'il est tout le temps parti, et il a finalement un emploi du temps bien plus chargé que le nôtre, ouais. D'une certaine façon. Le 113 fout la merde avec la voix vocodée de Thomas Bangalter et les claviers de DJ Mehdi, le hip-hop. Ça vous amuse d'avoir écouté ce titre, ouais, ou non? Ouais. Vous y attendiez ça fait pas. Beaucoup de choses qu'on n'a pas écoutées depuis longtemps. Voilà. Le hip-hop, ça fait partie de votre univers, hein, un peu comme toutes les musiques, j'ai envie de dire, ou même comme le P-Funk qu'on écoutait tout à l'heure par Parliament Funkadelic. On peut dire toutes les musiques, hein. Une connexion plus. C'est évident, mais les gens qui font du jazz n'écoutent pas que du jazz, hein, donc effectivement. Mais quand même, le petit côté, les voix au vocodeur et tout ça, c'est un peu gangsta rap, quoi. Dre, oui, absolument. Ouais, ouais, c'est Roger Troutman de Zap, donc c'était. Ouais, c'est du rock aussi. Hein. Il y a Peter Frampton, hein, un des. Exact. Je pense un des solos de Talkbox les plus connus, c'est. Peter Frampton aussi, donc c'est le lien aussi avec les machines et le côté robotique et les vocodeurs, ouais, bien sûr. Comment ça s'est passé la collaboration avec Kanye West, si tant est qu'il y ait eu une collaboration, puisqu'il a utilisé des petits bouts de Stronger, quelles sont les coulisses de cette histoire? Bah, il nous a envoyé une version du morceau qui n'était pas complètement fini pour savoir ce qu'on en pensait, voir si on était ok pour clearer le sample, pour donner l'accord sur le sample avec le sample de notre morceau. Et puis comme ça nous plaisait déjà comme c'était, on lui a donné le feu vert pour continuer, et puis il a fini le morceau qui nous plaît encore plus fini qu'au début, et voilà. Mais disons qu'il a fait le morceau de son côté, et puis il se trouve que le résultat nous plaît beaucoup, et je sais pas si on aurait mieux fait en studio avec lui sur le morceau que lui tout seul. Je pense qu'il a il aime, on l'a rencontré à plusieurs reprises depuis, il est fan de ce qu'on fait, et puis je pense qu'il essayait d'être sûr que ça nous plaise en même temps, et puis ça s'est bien connecté, même si on n'était pas ensemble dans le studio. Ça vous arrive souvent, ce genre de proposition d'artistes comme ça, superstars qui viennent vous voir en disant: est-ce que je peux utiliser un petit bout de tel ou tel de vos morceaux? Utiliser les petits bouts, pas vraiment. Nous de plus en plus. Mais bon, de plus trop. En plus. Mais non, après, oui, pas trop. Après, c'est vrai, effectivement, on a été des fois contactés comme ça par des superstars avec des projets qui aboutissent ou pas, la plupart du temps, qui n'aboutissent pas pour différentes raisons. Madonna, Britney Spears, je sais pas. Entre autres, ouais, il y a beaucoup de gens. Mais c'est vrai que souvent, jusqu'à maintenant, on s'est vraiment souvent plus concentré dans notre emploi du temps sur nos propres projets. Donc les choses comme ça n'ont pas vraiment abouti. Voilà. Une question sur Internet, est-ce que vous n'avez pas peur d'abîmer l'univers presque féerique et lointain que vous avez créé en faisant une grosse promo sur la sortie de Live 2007 parce qu'on aime bien se rappeler que Daft Punk c'est d'abord un rêve avant d'être deux hommes. Pourtant j'ai pas l'impression que vous abusez trop de la promotion. On peut dire la définition de grosse promo, mais... Ouais, parce qu'en plus il y a très très longtemps que vous n'étiez pas apparu dans la presse ou à la radio. 2005, au moment de la sortie de Human After All, on vous a pas vu, silence total. On n'a pas fait de promo. Vous aviez disparu de la circulation depuis un bon moment. Donc, Bien sûr, après les grosses promotions, on en a fait beaucoup en 97, on en a fait beaucoup en 2001, on en a fait beaucoup en 2003. Là, j'ai l'impression que... 2005, on n'en fait pas plus que d'habitude. Mm. On en fait même relativement moins que d'habitude, donc... Voilà, on passe pas à la télévision, il suffit d'allumer la télé, d'éteindre la radio, de plus lire quelques journaux spécialisés, et là, et on puis de toute façon, on vous verra jamais à la télévision, effectivement. Voilà. On peut peut-être ajouter à l'attention de cette personne que si elle a vraiment envie que le rêve continue, elle aille voir au cinéma Electroma, parce que alors là, pour le coup, du rêve, il y en a. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce film-là qui va sortir en DVD. C'est quand même un ovni dans l'univers du cinéma. Oui. Avec un rythme très très lent, zéro dialogue, très peu de musique. C'est futuriste, rétro-futuriste a-t-on coutume de dire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Quel film aviez-vous envie de faire? Est-ce un film expérimental ou non ? Oui, tout à fait, mais on avait envie de... aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la musique électronique, c'est plus du tout expérimental, parce que c'est complètement incorporé et assimilé et compris et à la fois, c'est une musique qui est partout. Et donc, de la même façon qu'on avait expérimenté il y a 10 ou 15 ans avec une musique qui était finalement avec beaucoup plus de code et un système plus académique, on avait envie de faire la même chose avec le cinéma, d'une certaine façon, un premier contact comme ça, d'une façon très brute et très très très très expérimentale. Donc c'est vrai qu'à l'époque, si on replace le contexte de la musique électronique, il y a 94, même 95, 96, il y avait une grande partie des gens pensaient que c'était du bruit ou que c'était de la musique de drogués, que c'était pas de la musique. Mmh. Et donc c'est amusant parce que ça nous intéressait de faire un film où les gens peuvent se dire mais ça c'est pas du cinéma ou c'est du cinéma, et d'être aux franges des formes d'expression elles-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a moins l'impression que c'est possible de le faire dans la musique électronique, dans la musique, et même peut-être plus difficile dans la musique électronique qui est la musique disons même dominante aujourd'hui dans la société de consommation. Faire valser les codes, quoi, en fait, pousser le bouchon loin. C'est principalement ce qui nous motive d'une part. Après, on peut vouloir continuer à cristalliser une émotion, à faire des choses. On n'est pas non plus, je pense, on commence à être un peu décomplexé aussi, nous, d'une volonté comme ça d'innover ou de on peut juste vouloir créer, exprimer quelque chose de très simple. Mais là, effectivement, on s'est dit, tiens, c'est marrant, on peut faire quelque chose de relativement plus underground que de la musique aujourd'hui. Et c'est vrai que on le voit avec notre musique, on joue devant des arènes et des dizaines de milliers de personnes, et là on fait quelque chose qui est destiné à quelques centaines de personnes qui peuvent aller le voir le soir à minuit, le samedi au cinéma, un peu tout autour du monde. Bon, là, le film va sortir. Ça commence dans un quart d'heure. Le film va sortir en DVD, donc ça, il y a une volonté aussi de partager ça ensuite avec des gens qui n'avaient pas accès comme ça à la salle de cinéma. Et à la fois, on aime bien faire le grand écart entre des formats et des formes d'expression plus ou moins accessibles est plus ou moins underground, et ça nous fait effectivement plaisir que les deux, aussi bien le disque du concert et le film en DVD, sortent à peu près au même moment, parce que c'est des facettes totalement différentes et presque des projets à l'opposé. Gros son de Justice, c'était en 2005, avant qu'ils ne connaissent la notoriété qu'ils connaissent aujourd'hui. Guyman After All en Justice Mix, Daft Punk donc. On se quitte bientôt, les garçons. Il y a une rumeur là qui court sur internet, vous allez me dire si c'est une rumeur ou si c'est la vérité. Il y en a beaucoup, hein, donc on peut... Ouais, bah justement, c'est bien que vous soyez là. Un concert sous la Tour Eiffel le 31 décembre. Un concert de qui? De Daft Punk. Cette rumeur est fausse. Vous êtes disponible pourtant le 31 décembre, vous serez où? Vous terminez la tournée le 22 décembre. Le 23 décembre en Australie, ouais. Voilà. Et après, vous réfléchissez à la suite. Oui, oui. On peut avoir plus de précisions sur la suite? Non, j'insiste, je suis un peu lourde là. Hein. Non, on peut pas. Ouais, vous allez vous réunir, réfléchir avec vous-même et continuer à créer. Voilà, c'est ça. On va essayer. Avant de se quitter, peut-être un petit mot, vous êtes des précurseurs quand même et des visionnaires sur ce sujet qui fâche un peu sur l'industrie du disque. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Qu'est-ce que vous pensez du support CD qui devient caduc? Qu'est-ce que vous pensez des artistes qui proposent d'abord leur album sur Internet? Quelle est votre vision à vous? Est-ce que ça vaut le coup encore de sortir des albums? La façon dont est reçu par le public, en tout cas ce E-Live 2007, prouve que oui, parce qu'apparemment il a un très très gros succès, très rapide. Mais quel est votre regard? On en sera où en 2017? Je pense qu'on peut même se demander où on en sera en 2008 ou en 2009. On est dans une situation qui est vraiment exponentielle. Et d'une certaine façon. De pire en pire, de plus en plus vite, quoi. Je pense pas que ce soit de pire en pire. C'est plutôt une chance, ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que c'est de mieux en mieux, justement. Je crois que on parle avec le point de vue de notre point de vue d'artiste, hein, c'est pas le point de vue des maisons de disques. Effectivement, je pense que les maisons de disques ont beaucoup de soucis à se faire aujourd'hui, mais à la fois on l'a déjà dit, elles ont été un peu les fossoyeurs de leur propre tombe d'une certaine façon par rapport à la politique qui a été menée pendant les 20 ou les 30 ou 40 dernières années. Donc, comment un artiste peut-il vivre sans maison de disque aujourd'hui? Ça paraît incroyable, mais ce sera forcément possible. Je pense qu'il n'y a pas de règles. C'est sans doute au cas par cas, mais d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'assez sain effectivement là, c'est une réécriture avec un système qui est en train de qui a implosé ou qui a été détruit et tout reste à reconstruire. Enfin, les choses, la reconstruction d'une certaine façon a démarré, mais c'est vrai que d'une certaine façon le CD est un peu un format du passé, et même si on prend l'exemple du CD qui avait remplacé déjà le vinyle, ce sont ces formats qui définissaient un peu les œuvres elles-mêmes. Le vinyle, ça c'était une deux phases de 20 minutes maximum, donc les disques duraient 40 minutes. Le CD, en passant à 73 minutes, a défini comme ça un peu une grande influence sur le contenu artistique. Et c'est vrai que cette capacité aujourd'hui à écouter la musique et à la distribuer de façon différente, même totalement indépendamment d'une considération économique, mais juste artistique, fait détruire tous les préjugés et oblige un peu aussi bien les artistes et le public à repenser comment on veut créer, comment on veut écouter de la musique, est-ce qu'on veut l'acheter ou est-ce qu'on veut l'avoir gratuitement. Les choses sont plutôt passionnantes finalement. C'est extrêmement passionnant. Tout est possible. Je ne sais pas si tout est possible, mais en tout cas... Vous êtes plutôt optimiste. Hein. Ah, moi, je suis très optimiste, oui. Je pense qu'il y a une vraie... Je pense que... Enfin, nous, on est optimiste parce qu'on aime bien inventer des nouvelles choses. Et là, je pense, indépendamment du contenu, les formats eux-mêmes sont à inventer. Donc, si on prend on voit un peu l'histoire de la musique, je relisais là, il y a pas longtemps une nouvelle version de Bruit de Jacques Attali qui étudie un peu la place de la musique dans la société et ses ramifications et son influence sur la politique et l'économique en général, mais vraiment sur les 2000 ou 3000 dernières années, on voit que le système industriel et cette industrialisation de la musique avec la reproduction mécanique qui a eu lieu vraiment au siècle dernier, c'était sans doute pas une finalité et que d'une certaine façon, cette désindustrialisation de la musique avec une place différente pour la musique aujourd'hui et qui ressort de l'industrie, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour la musique. Alors c'est après... passionnant, Thomas Bangalter. Voilà. C'est passionnant. Il faudra que vous reveniez pour qu'on puisse continuer ce débat peut-être. En tout cas, merci pour ce message positif à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne fin de tournée. Merci beaucoup. Hein. Également, très bon départ au Japon. Australie. Merci pour tout. Et puis je rappelle que effectivement depuis quelques jours Alive 2007 est dans les bacs. Bonsoir et merci. Bonsoir. Bonsoir.